très belle journée sur la première. Voici Histoire vivante. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. 90% des marchandises que l'on consomme, des produits industriels, mais des produits de consommation, qui circulent en fait par le biais notamment des grands porte-conteneurs. Cette semaine, des règlements et des vagues. Le désordre, il provient essentiellement du fait qu'on a une multitude de textes épars, mais il faut bien voir que la portée d'une convention internationale, un traité, donc signé entre des États. Et ce désordre provient du fait qu'en fait, il n'existe pas de droit des transports internationaux réellement uniformes. Les crimes existent, les crimes contre les êtres humains. Eh bien, il faut juste prendre en compte le fait que des crimes contre l'environnement sont éventuellement envisageables aussi. Comme pour la responsabilité civile, on indemnise des dommages qui concernent des personnes. Eh bien, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des dommages qui concernent également l'environnement. Du code à la pratique. Quelque chose qu'on ne sait pas, c'est le nombre de conteneurs perdus en mer par an, mais absolument phénoménal, et en particulier dans le rail de la Manche, qui est vraiment l'autoroute de la mer européenne. Et pas sur chaque voyage, mais il y a des conteneurs perdus aux mers, avec le problème de savoir si ce sont des déchets ou pas des déchets. La conteneurisation, c'est un phénomène absolument majeur. Ça nous permet aussi d'être approvisionnés, nous, consommateurs, quasiment en continu, sans rupture, avec des volumes extrêmement importants qui vont du micro-ordinateur à la paire de chaussures. Le commerce en mer. Celui qui est à Marseille donne des ordres. Celui qui est dans l'Empire ottoman doit les exécuter. En l'échange, il perçoit une commission. C'est un droit en général de 2 ou de 3% sur les marchandises qui transitent entre ses mains et il se rémunère. Comment va-t-on essayer d'apprendre à gérer juridiquement les marées noires ? Quels principes vont être échafaudés ? Qu'est-ce qui est applicable ? Qu'est-ce qui ne l'est point ? Quelle est l'idée de Monsieur Pigou ? Si je pollue, qu'est-ce que je risque ? Et comment puis-je m'en sortir ? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées ce soir avec notre premier invité. Puis-je vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Alors oui, je suis Amandine Cailleul, donc maître de conférence en droit privé à l'Université de Caen, donc en France. Le papier dont nous allons parler, qui correspond à une intervention que vous avez faite dans un colloque, traite des questions de pollution. Tout à fait. Je lis le début de votre intervention. L'augmentation du trafic maritime menace l'équilibre du milieu marin. Si la pollution des mers est principalement d'origine tellurique, la pollution pélagique due aux activités maritimes ne doit pas être négligée. Le transport maritime représenterait 12% de la pollution des océans, notamment par le déversement d'hydrocarbures. Et vous ajoutez un peu plus loin, 42% du pétrole brut consommé dans le monde est transporté par voie maritime. Alors, on va pas se noyer dans les chiffres, mais il donne en effet la mesure de la masse. Est-ce que ce sont des chiffres que vous avez découverts à cette occasion-là ? Oui, je les ai découverts à cette occasion-là. Quand on est devant de tels chiffres, est-ce qu'on mesure l'Himalaya ? Oui, enfin moi ça m'a choqué, c'est d'ailleurs pour ça que je les ai notés. C'était pas pour inonder non plus effectivement mon lecteur de chiffres, mais je pense que ça permet de se rendre compte de manière objective, voilà, de cette pollution qui existe. Puisqu'on a souvent l'impression que bon voilà, il y a quelques marées noires certes qui font beaucoup de bruit, voilà, on en parle beaucoup, mais ça resterait anecdotique. Et en réalité, non, la pollution pélagique est importante, notamment par le transport maritime. Alors ce ne sont pas que les marées noires, c'est ce que j'explique dans mon article. Il y a aussi bien sûr, en réalité, de manière encore plus importante, tous les déballastages en mer. Donc là, pour le coup, des déversements volontaires, alors qu'ils sont plus faibles, mais qui sont tellement fréquents qu'ils polluent de manière très importante les océans. Et l'on dit que la Manche, devant laquelle vous habitez, est particulièrement une mer dont la profondeur est particulièrement jonchée de ces... Mais oui, c'est ce qu'on dit, effectivement. Je suis né dans les chantiers japonais. En vérité, j'appartiens aux Américains. Une filiale d'une compagnie navale dont j'ai oublié l'adresse à Los Angeles. Tonne, espèce de brute, 120 000 tonnes. Histoire vivante, cette semaine, des règlements et des vagues. Suite de l'entretien avec Amandine Cailleul, maître de conférence en droit privé à l'Université de Caen. 1967, 1978, 1989, 1999, 2002, ce sont des années où les maires sont frappés par une succession de catastrophes. Oui, alors 1967, c'est souvent celui qu'on cite en premier, le Torrey Canyon, qui a effectivement éveillé les consciences au niveau international sur cette problématique des marées noires. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, enfin consécutivement à cette catastrophe, que la convention CLC de 1969 a été adoptée, justement dans le but d'indemniser les victimes en cas de pollution par hydrocarbures. Donc on voit le lien, vraiment 67-69, c'est évidemment justement le droit réagit au problème. Qui d'ailleurs prend la plume et se met à imposer les termes juridiques. Alors là, c'est sous l'égide de l'Organisation Maritime Internationale hein, qui a eu cette impulsion et qui a permis que différents États signent cette convention internationale. Cette première convention, c'est une première donc dans le domaine, est-elle extrêmement restrictive? Est-ce qu'elle est... c'était un premier jet, un premier brouillon, et on fait dans l'urgence avec du faute de mieux? Alors, elle est déjà quand même intéressante, hein, puisqu'elle permet quand même une responsabilité objective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prouver une faute. Donc, ça permet une indemnisation plus facilement. Et puis, c'est aussi une responsabilité canalisée, c'est-à-dire que c'est sur la tête d'une personne précise, on a un responsable précis, le propriétaire du navire, ce qui, là aussi, normalement, facilite l'indemnisation, puisqu'on sait précisément contre qui se tourner. Alors après, son point négatif, c'est qu'il y a des plafonds d'indemnisation relativement bas, vu l'étendue des préjudices avec de telles catastrophes. Et donc, on s'est rendu compte de cette insuffisance assez rapidement. Alors, vont suivre effectivement la Mococadis en 1978, l'Exxon Valdez en 89, l'Erika en 99 et le Prestige en 2002. Le Prestige, dont il faut rappeler que ça a été la plus grave marée noire qu'ait connue le littoral aquitain. Une affaire qui aura traîné devant les tribunaux durant une dizaine d'années. Et qui s'est soldé, au cas où les mémoires se seraient quelque peu assoupies, par la relaxe pure et simple de la plupart des personnes inculpées. Le verdict après le naufrage du Prestige qui avait provoqué une marée noire géante en Espagne et en France. Après 11 ans de procédure, les trois accusés ont été acquittés. Pas de responsable et donc aucune indemnisation. Les États français et espagnols réclamaient 4 milliards d'euros de dommages et intérêts. Alors... on disait en début de l'entretien que le droit arrivait souvent avec pas mal de retard et pas mal de difficultés. Est-ce qu'il serait possible, Amandine Cailleul, de nous donner un état des lieux de l'avancée à partir du Torrey Canyon, comme vous l'avez fait, jusqu'au Prestige? Dès le Torrey Canyon, il y a une convention qui est signée. On imagine qu'à mesure des autres marées noires, elle va peut-être se renforcer. Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc effectivement, la convention de 69 est apparue assez vite comme insuffisante, notamment en raison des plafonds d'indemnisation. Et donc là, rapidement, donc dès 1971, on a créé un fonds d'indemnisation complémentaire, le FIPOL, qui permet donc d'ajouter en fait à l'indemnisation initiale. Donc on a deux niveaux d'indemnisation, ce qui permet voilà d'être mieux indemnisé. Et puis avec effectivement les différentes marées noires, eh bien, on a eu une prise en compte aussi une nécessité d'adapter les droits nationaux, puisqu'il ne faut pas se reposer non plus que sur ces textes spéciaux de droit maritime. Hein, les droits de responsabilité civile interne peuvent également, à titre subsidiaire, intervenir, puisque la convention CLC prévoit que s'il y a une faute inexcusable du propriétaire du navire, donc une faute d'une extrême gravité, on va dire, pour simplifier, eh bien, le droit interne peut prendre le relais pour apporter une indemnisation supplémentaire. Et donc nous, en France, c'est justement ce qui s'est passé avec l'affaire Erika, qui a été vraiment la source d'un bouleversement important du droit de la responsabilité, puisqu'on a permis pour la première fois une indemnisation du préjudice écologique pur, c'est-à-dire le préjudice porté à l'environnement lui-même, sans répercussion sur le patrimoine d'une personne juridique. Donc c'est vraiment l'environnement lui-même qui est la victime et qui est indemnisé. Donc ça, c'est grâce à l'affaire Erika qu'on a eu cette évolution. Alors, en même temps, l'affaire du Prestige, elle, concernant les indemnisations du FIPOL, peut laisser quelques désappointements, puisque à l'occasion de cette marée noire, provoquée donc en 2002, le dommage avait été estimé à 1 milliard d'euros. Et le FIPOL ne disposant que de 171 millions d'euros, l'organisation avait donc décidé de limiter le taux d'indemnisation à 15% du montant du dommage. Autant dire de quoi s'acheter des mouchoirs pour aller pleurer. C'est toujours le problème de l'indemnisation. Et c'est aussi pour ça, là, sans doute en raison de l'affaire du Prestige, qu'on a eu donc une dernière modification, un second fonds d'indemnisation a été ajouté, donc il s'ajoute au premier, au FIPOL, en 2003. Donc justement, on voit le lien avec l'affaire du Prestige en 2002. Il y a sans doute un lien de cause à effet. Et qui alimente ce fonds ? Alors, les différents fonds sont alimentés à chaque fois par les importateurs de pétrole. Donc, ils doivent verser au pot. Ils versent, c'est ça, puisqu'ils sont censés être à la source, bien sûr, du préjudice. C'est le principe pollueur-payeur. Ils participent à la pollution, donc ils payent. Est-ce que, vous allez voir mon mauvais esprit tout de suite, Amandine Cayolle, est-ce que c'est une manière d'acheter des permis de polluer, puisque ça fait partie des choses? Alors bien sûr, c'est toujours la critique qu'on fait au principe pollueur-payeur. Normalement, on est sanctionné quand on est pollueur, grâce à ce principe, c'est un bon fondement, on va dire. Mais effectivement, est-ce qu'on ne peut pas retourner la question et se dire qu'après tout, on paye pour pouvoir polluer? Bon, je pense que c'est avoir peut-être l'esprit mal tourné, on peut essayer de voir les choses plus positivement et se dire que non, normalement, je ne pense pas quand même que ce soit acheter un permis de polluer. Enfin, je n'espère pas en tout cas. Amandine Payol, le droit doit-il être plus dur? Oui, enfin sur l'aspect environnemental, il doit, disons, mieux le prendre en compte. Et notamment, c'est toute la réflexion avec les écocides. En fait, ce n'est pas être plus dur, c'est simplement étendre des règles qui existent aujourd'hui à de nouveaux problèmes. Les crimes existent, les crimes contre les êtres humains. Eh bien, il faut juste prendre en compte le fait que des crimes contre l'environnement sont éventuellement envisageables aussi. Comme pour la responsabilité civile, on indemnise des dommages qui concernent des personnes. Eh bien, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des dommages qui concernent également l'environnement. Et c'est plutôt étendre notre champ d'appréhension. Mais au-delà des êtres humains. On change de secteur, puisque du droit civil, on passerait au droit pénal. Forcément, en fait, il y a les deux. Les écocides, là, c'est du droit pénal, sont donc les crimes qui existent en droit pénal vis-à-vis des êtres humains et qui seraient étendus, en fait, à l'environnement. L'environnement pourrait être l'objet d'un crime, le sujet d'un crime. Mais en droit de la responsabilité civile, c'est la même idée. En droit de la responsabilité civile, on indemnise quelqu'un lorsqu'il subit un préjudice corporel, par rapport à sa personne physique, ou matériel, par rapport à son patrimoine, eh bien, il faudrait indemniser, alors comment, tout est en discussion, mais il faudrait réussir à indemniser les atteintes à l'environnement. Les indemniser ou, idéalement, les réparer en nature. Ce serait la meilleure solution pour l'environnement. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. De rien, merci à vous. « 90% de tout ce que nous consommons vient de l'étranger. 95% des produits expédiés à travers la planète passent par les mers ou les océans. Le transport maritime est devenu le secteur d'activité le plus important et le plus puissant du monde, l'essence même de la mondialisation. Mais à quel prix? Qui en sont les acteurs? Quels sont les enjeux économiques, sociétaux, politiques, juridiques et écologiques du fret maritime ? Nous en parlons dans un instant avec notre deuxième invité, le réalisateur Denis de Lestrac. Denis de Lestrac, nous vous avons désormais au téléphone. Vous êtes à Barcelone dans votre bureau et on vous dérange, on le sait. En plein montage, ces cargos, la face cachée du fret, Alors on va en parler pendant une petite quinzaine de minutes. Est-ce que l'on peut peut-être, Denis de Lestrac, commencer par la naissance du projet, sa genèse? La naissance du projet, bah écoutez, c'est assez bizarre parce que le projet a eu la même localisation de naissance que le projet antérieur, que le projet La Guerre du Sable, comme vous l'avez dit. Cette Guerre du Sable était née sur une plage à Barcelone. Cargo est né aussi pas très loin de là, sur une plage où, en regardant l'horizon, j'ai vu une énorme silhouette métallique au loin, grise, qui a détonné quelques questions. Qui sont ces hommes qui tirent les ficelles de notre société? Quels sont ces navires qui nous fournissent 90% de tout ce qu'on consomme passe par ces navires? Comment ça marche? Quels sont les dessous de cette industrie qui tire vraiment les ficelles de notre société et qui aussi a une énorme influence sur notre environnement et sur nos vies? Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est le tournage sur lequel vous allez travailler, parce que cet objet est des plus discrets, dirons-nous. On le découvre dans votre documentaire, Cargo, la face cachée du fret. On relève même quasiment de l'invisible, de l'intentionnellement invisible. Et pourtant, ce sont des objets que l'on découvrira, sans s'en étonner sans doute, totalement pachydermiques. Ah, c'est absolument énorme. Il y a une course au gigantisme qui est en train de se passer loin des yeux, loin de l'écran radar du grand public. Les navires, il y a quelques années, les navires porte-containers, les pétroliers, les tankers, etc., mesuraient environ 100, 150 mètres. Maintenant, on atteint des dimensions tout à fait gigantesques et titanesques. Un des plus gros navires qui a été lancé à l'eau très récemment mesure plus de 400 mètres, a une capacité, c'est un porte-container qui a une capacité de 18 000 boîtes. 18 000 containers. On a une petite animation dans le film qui dit que si on mettait tous ces containers en file indienne, ça ferait un serpent d'acier de plus de 120 km. Si on remplissait ces containers de bananes, on pourrait donner une banane à chaque personne vivant en Europe et aux États-Unis. Et les chiffres sont tout à fait remarquables. Alors, comme à votre habitude, Denis de Lestrac est votre ancien producteur de La Guerre du Sable, le sieur Rapneau, me l'avait confié, me disant, avec Denis de Lestrac, c'est assez extraordinaire, c'est que on va préparer un film, il envoie un dossier, ça fait quasiment 100 pages, là vous êtes un petit peu en dessous, faites 88 pages avec ce nouveau dossier, et on a l'impression que c'est une thèse sur laquelle vous avez travaillé pendant une dizaine d'années. Vous pouvez juste nous dire, à cet endroit-là, le dossier, pour vous, il y a déjà une partie du tournage qui se construit dans la tête, il y a une grosse méthode de Lestrac dans le dossier. J'ai une méthode assez particulière. Je ne m'assois devant mon écran et mon clavier qu'après voir le film. Et voir le film, c'est-à-dire imaginer le film, imaginer la première image jusqu'à la dernière, et imaginer, mais plus que des images et plus que des scènes, c'est des sensations et c'est des informations qu'on va essayer d'apporter et de donner au spectateur pour générer une sensation, une émotion aussi. Je pense que le documentaire aujourd'hui se doit non seulement de toucher le cerveau du public, mais on doit toucher aussi la peau, le cœur, tous les sens, si je peux exagérer de cette manière, du public, pour que le message pénètre vraiment le public et lui donne l'envie de faire quelque chose pour changer le monde. Denis de Lestrac avec Cargo, la face cachée du fret. Nous avons eu l'occasion, au cours de cette semaine d'Histoire vivante, d'aborder la question, même ancienne déjà, du droit maritime. Ce droit de la mer, il est évoqué également dans votre documentaire. Mais c'est un droit bafoué, c'est un droit violé en permanence, ou tout au moins, pour employer peut-être des mots moins forts, un droit contourné, et notamment au travers d'un des nombreux chapitres de votre documentaire, celui qu'occupe les pavillons de complaisance. Est-ce que vous pourriez, bien que nous en connaissions l'expression, nous arrêter un moment là-dessus avec vous pour que vous nous indiquiez ce qui est écrit derrière ces pavillons de complaisance? Alors, le pavillon de complaisance, c'est un drapeau, c'est un rectangle de tissu qui a des propriétés assez magiques. les navires, donc les armateurs, quand leurs navires sont dans les eaux territoriales, c'est-à-dire à moins de 200 milles nautiques d'une côte, le navire obéit aux lois de l'état côtier le plus proche. Une fois passé en haute mer, la haute mer, c'est cet espace un petit peu, c'est un peu le Wild West, hein, c'est un peu le Far West nautique, hein, ou marin. Une fois passé dans cette zone, dans haute mer, le navire obéit aux lois du pays dont il porte le pavillon. Et donc, il y a toute une série de pays, de petits pays en général, qui sont pour la plupart des paradis fiscaux, qui mettent un peu de beurre dans les épinards de leur PIB en vendant leur pavillon, donc leur nationalité, à ces armateurs, avec tout un pack de régulations plus ou moins permissives. Donc, grâce à ces pavillons, les armateurs vont payer des salaires très très bas aux marins qui travaillent sur leur navire. Ils vont échapper pas mal d'impôts et de taxes, les régulations au niveau de la sécurité, etc. Donc c'est une bonne affaire, les pavillons de complaisance, pour pas mal de monde. Tourner à bord d'un de ces paquebots, de ces cargos, j'ai été d'ailleurs chercher l'étymologie du mot, il remonte, mais sans doute le savez-vous, à la fin du 19e siècle, c'est un mot d'origine anglaise, que ce cargo-là, tourné à bord, disais-je, ça ne doit pas relever d'une grande facilité, d'abord concernant les autorisations, et puis après, à proprement parler, et là vos images sont là pour en témoigner, disons qu'il y a des moments où le transport, le voyage est quelque peu mouvementé. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter comment ça s'est traduit pour vous, pour le documentaire? Vous êtes parti à bord du Puelch, je ne sais pas si je prononce bien le mot. Oui, très voilà. Bien. Racontez-nous ça un peu, Denis de Lestrac. Alors, écoutez, on a eu donc l'accès à ces navires, effectivement, n'est pas très facile, mais on a fait nos devoirs et on a réussi à avoir donc l'accord de ce Puelch, qui était un navire de 306 mètres de long, qui porte 6500 containers, avec un équipage d'environ une vingtaine d'hommes. Et on est parti environ deux semaines sur ce bateau. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un monde, c'est vraiment une île, c'est une ville flottante qui est déconnectée de la planète complètement, parce que dès qu'on arrive à quelques kilomètres, dès qu'on s'éloigne à peine de quelques kilomètres des côtes, il n'y a plus de téléphone, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Et donc le temps prend une dimension totalement différente. Et on arrive à s'installer dans cette ambiance qui est un petit peu militaire aussi, parce que c'est très hiérarchisé, évidemment, c'est très... très, très bien organisé. Il y a l'heure pour le repas, il y a tout un tas de protocoles pour se déplacer sur ces navires. Par exemple, si la porte est ouverte, la porte du capitaine ou la porte d'un officier, on a le droit de le déranger, de frapper à la porte. Mais si la porte est fermée, ça veut dire que son monde est totalement hermétique et personne n'a le droit de frapper à la porte et on ne le voit pas. Les entreprises du secteur et leurs dirigeants travaillent dans l'ombre. Ils tirent les ficelles du commerce mondial à distance, depuis leurs bureaux européens et asiatiques. Deux continents où plus de 90% de ces sociétés sont implantées. Leur revenu annuel dépasse les 450 milliards d'euros. C'est plus que le budget national de la France. C'est supérieur au revenu cumulé de l'industrie aérienne. Et cela fait du shipping un poids lourd de l'économie mondiale. Ces entreprises pèsent très lourd. Et elles sont entre les mains d'une poignée d'individus. Et 7 milliards de consommateurs dépendent de leurs entreprises. Pourtant, leurs noms et leurs visages sont inconnus du grand public. Parmi eux, John Fredriksen et ses filles. Ce Norvégien pèse plus de 15 milliards de dollars. Et son train de vie, bien que peu médiatisé, n'a rien à envier à celui d'une rockstar. Il ne met jamais les pieds sur ses navires. Et c'est en jet privé qu'il se déplace entre les paradis fiscaux où il a domicilié ses sociétés. Je pense que l'on peut diviser les armateurs en deux grandes catégories. La première est celle des industriels droits et honnêtes, qui n'utilisent pas leurs navires pour spéculer et qui ont opté pour mener une activité durable sur une longue période. The L'autre partie de l'industrie, ce sont les magnats. Les types qui ont d'énormes fortunes, qui ne payent pas d'impôts et qui ne parlent pas de leurs affaires en public. Et je pense que John Fredriksen en est l'exemple typique. Quand vous allez dans une station-service faire le plein de votre voiture, il y a une très forte probabilité que votre carburant ait été transporté par John Fredriksen. Fredriksen possède la plus grande flotte de tankers au monde. Une de ses sociétés, basée aux Bermudes, déplace la moitié du pétrole brut extrait de la planète. Mais jusqu'à preuve du contraire, cela n'est pas un crime. Un extrait de Cargo, la face cachée du fret, à découvrir dimanche prochain sur RTS2. Histoire vivante, cette semaine, des règlements et des vagues. Suite de l'entretien avec Denis de Lestrac, réalisateur du documentaire Cargo. Denis de Lestrac, ce documentaire que vous nous proposez, que nous découvrirons dimanche soir sur RTS2, aurait pu tout aussi bien s'appeler, ça me vient à l'instant, le bal des vautours. Il y en a un notamment de ces vautours, il s'appelle John Fredriksen. Ce gaillard, John Fredriksen, il est armateur, il est norvégien, il est aussi riche que mal connu. Tout à fait. Et c'est un personnage assez intéressant qui joue aussi avec ses petits rectangles de tissu qu'on appelle les pavillons de complaisance et qui a vraiment généré une fortune immense. Et effectivement, ça fait aussi partie du grand symptôme de la cécité des mers, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ces hommes, on ne connaît pas cette industrie, on ne connaît pas leur visage, on ne connaît pas leur nom. On a au mieux vu le nom de certaines sociétés sur des conteneurs métalliques, sur un camion, sur une autoroute quelque part, mais ça frappe aucune corde de connaissances générales par rapport à ces entreprises, etc. On ne sait pratiquement rien d'elles, mais j'espère qu'avec le film, on va en savoir un petit peu plus. Dans le projet que j'ai eu l'occasion de lire avant de regarder le documentaire de Denis de Lestrac, j'ai vu que il y avait derrière le documentaire un projet transmédia qui contient notamment un projet de proposition de loi, si j'ai bien saisi. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un petit mot? Alors la proposition de loi, on a vraiment l'intention d'utiliser le film comme un détonateur, comme un générateur de mouvement social, comme on l'a fait avec le sable. Le sable, vous savez, que a changé des lois au niveau international, etc., a fait bouger les Nations Unies, etc. Et avec ce film-là, avec Cargo, on a aussi vraiment l'intention d'utiliser le film comme une pièce d'un grand puzzle qui va permettre de générer un mouvement, hein, un mouvement socio-politique, etc. Donc il y aura tout un site internet qui sera assez vaste et assez bien fait, qui va permettre aux gens, une fois qu'ils auront vu le film, de pouvoir y aller, de pouvoir mettre un petit peu leur grain de sable, si j'ose dire, dans ce grand challenge qui est devant nous, qui est de légiférer et de rendre cette industrie plus durable. C'est un mot que j'aime pas trop, mais j'en ai pas trouvé d'autre. Plus responsable aussi, voilà. Et voilà. Mais il y a aussi des petites idées dans le film qui sont pas au niveau politique, mais qui concernent plutôt les grandes entreprises, celles qui nous vendent les produits de consommation qu'on achète tous les jours et qu'on prend pour acquis. Par exemple, vêtements. Hein. Donc, on lance une idée dans le film. À la fin du film, je vais pas vous en parler. Je préfère que les gens la voient pour aussi responsabiliser un petit peu ces entreprises et apporter au public la transparence qui, je le pense, est méritée. Quand on achète quelque chose, ben, on doit savoir un petit peu ce qu'il y a derrière, quoi. Merci. Exactement. En attendant d'être passé au micro d'Histoire Vivante et à très bientôt. Merci Jean, un grand plaisir. Rendez-vous sur RTS2 dimanche soir pour découvrir Cargo, la face cachée du fret, un film signé Denis de Lestrac.